et non sujet à la qualité de vie ou à la qualité d'expérience des effets que tu vas avoir envers ce phénomène-là. Tu peux pas être immortel et penser à ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut, faut pas s'occuper du tout à ne pas vouloir mourir? Il faut vraiment s'occuper de la vie. La vie, ce n'est pas nos enfants. C'est subtil, ça, quand tu dis que la vie, ce n'est pas nos enfants. Quand la matière arrête d'avoir une emprise sur nous autres, c'est toi qui as une emprise sur la matière. Non. La matière a tout une emprise sur nous autres. La matière solide a une emprise sur nous autres. Les autres matières éthériques, astrales, mentales ont une emprise sur nous autres parce que les matières font partie de nous autres. Ça, c'est une des grandes prises. Les matières font partie de nous autres. C'est à nous autres de changer les relations de l'autre. Devenir libre de la grève. C'est pas matière qui est problème. C'est une obligation de notre part. Et on comprend mal la relation entre la matière et son père parce qu'on comprend mal le problème de l'esprit en soi. À ce moment. Notre problème, c'est qu'on rentre. Comme je te regarde, tu sais, là, je change de point de vue, je te regarde. Si ta conscience change quand je fais ça, qu'est-ce que tu penses? Si tu penses à moi, ça change la vie. Là, je pourrais te faire parler, t'es pas si bien changé. Ce qu'on sert dans ce temps-ci, c'est la parole. On ne peut pas servir d'autre chose parce que si on servait d'autre chose, vous avez tellement haut d'égo que ça deviendra pour vous autres une défi. Fait qu'on sert du pouvoir le plus bas possible, le plus normal, le plus naturel possible. C'est le pouvoir de l'erreur. Puis ce qui est plus drôle, c'est que c'est le plus puissant de tout. Oui. C'est le plus beau de tout, c'est le plus grand de tout. Sans ça, vous recevriez trop tout ce que vous pourriez absorber. Nous, on n'a pas le niveau. Ben, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas nous autres. C'est nous autres. Les gens disent, pourquoi ça c'est caché, puis ça c'est caché. C'est pas que c'est caché, c'est que les gens peuvent pas l'absorber comme faut. C'est pour ça que je vous mets toujours en garde contre les pouvoirs. Contre les hommes qui viendront à vous autres avec des pouvoirs. Parce que je sais ce que ça veut dire. Ça mystifie l'ego. Il ne s'agit pas de mystifier de l'ego. Il s'agit de l'esprit fou pour qu'il soit plus mystifié. Par aucun pouvoir. Par aucun pouvoir. Par ça, tu fais des esclaves. Mais tu dis que la parole, c'est plus puissant. Au bout des pouvoirs, c'est plus grand les pouvoirs. Là. Vous connaissez-vous un pouvoir qui est plus beau que la parole? Tout ce qui est lié à l'instruction des arts. Beau de pouvoir. Le verbe. Si tu peux changer des hommes par la parole, tu peux les instruire par la parole. Et si tu peux changer des hommes par le pouvoir, tu peux les dominer et les rendre esclaves. Comment tu peux même utiliser le pouvoir de la parole ici? C'est le temps de personne que tu l'utilises. C'est un pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole vient là-haut. Il est régi par les lois de la perfection, le pouvoir de la parole. Il n'est pas régi par les lois de l'ego. Parce que le pouvoir, lui, peut être régi par les lois de perfection, puis il ne se manifeste pas. Comment les yeux? Ou il peut être régi par des lois d'imperfection, puis il se manifeste, ça, là, comme dans ça. Parce qu'un homme ne peut pas avoir la parole, pas être régi par les lois de la perfection. Il y a plein d'hommes qui peuvent avoir le pouvoir de la parole qui peut être régi par les autres. Il va y avoir une guerre quelque part. Il va y avoir une guerre. Moi, il n'y en a pas de guerre. Comment vous m'écouteriez depuis le début, vous chercheriez des affaires, il n'y a pas de guerre. Et s'il y en a une, c'est parce que vous pensez qu'il y en a une, vous vous donnez faire. Il n'y a pas de guerre. Je ne peux pas me tromper. Parce que je pense pas. Je suis totalement sans maître. Parce que le pouvoir, c'est la manipulation des forces de vie. Si tu manipules des forces de vie, tu peux être bon, tu peux être mauvais. Les hommes le savent-tu? Astral comme ils sont, avec un corps de désir, gros comme le poing, comme lion, que tu sois des forces de vie. Des forces positives, des forces négatives, je vois dans la terre. Mais quelle sécurité qu'ils ont, ces hommes-là? Il faut que les hommes passent par le pouvoir de la parole avant de passer par le pouvoir. Quand les hommes connaîtront la parole, comprendront la parole, ils seront instruits de la parole, ils feront vivre du pouvoir. Ils côtoyer le pouvoir, mais sans jamais être affectés par le pouvoir, parce qu'ils ont déjà été instruits dans les dangers du pouvoir. C'est important, voilà. Si un homme a un pouvoir, qu'il t'instruise de son pouvoir avant. Mais si tu n'instruis pas de son pouvoir avant, à ce moment-là, c'est normal. Parce qu'astralement, égoïquement, en relation avec ta nature animale, tu vas être attiré au pouvoir, tu vas perdre ton individualité, tu vas devenir un esclave de cet homme-là. C'est ça le grand combat qui se passe. C'est là que ceux qui ont du pouvoir ne m'aiment pas. Ne pas m'aimer. Parce que je déduis la fondation de la raison de pouvoir. Les hommes ont été assez esclaves. Une différence entre le pouvoir et un don. Un don, c'est pas si pire. Un don. Un don, c'est un échange d'énergie entre ton passé et ton présent. Tandis qu'un pouvoir, c'est travailler avec des forces. C'est travailler avec des forces. Quelqu'un qui a des pouvoirs, tu sais-tu si les forces viennent d'un côté ou d'un autre? Je sais pas. Si tu n'as pas de connexion en dedans, comment tu vas le savoir? Si tu rencontres un gars qui fait de la magie noire, comment tu vas le savoir? Si. Avec qui est-ce qu'il travaille? Ça, là. Moi, les gars qui font de la magie noire, ils sont bons en même temps. Il y a vraiment un gars. Que les hommes soient instruits. Très instruits. Un enfant qui ne parle pas de ça, c'est un problème de langage, c'est un problème de parole. Où est-ce qu'il est? Il est coupé? Ça fait partie de son karma, ça fait partie de l'expérience des parents. Si les parents comprennent ça, ils peuvent en arriver à reparler. Alors, ça veut dire que vous parlez avec les parents? Oui. Avec les parents. C'est les parents qui sont le problème, pas l'enfant. L'enfant est coupé. S'il est coupé, pas de bon. Coupé par quoi? Par les autres. Moi, j'ai une affaire de l'ennemi. Tu veux parler fort, parle fort. Il commence à parler, il part. Il peut aller voir des spécialistes. Quand toi, tu comprendras, ton mari comprendra, pour commencer à être dans votre vibration, il commencera à parler. Il commence. Ça se peut-tu que ça soit dans l'enfant aussi? Ça se manifeste dans l'enfant. Ça peut l'affecter dans l'enfant. Il n'y a pas des facteurs physiques des fonds de larmes, des bélières, des affaires à main. C'est eux autres. C'est eux autres. Moi. Quand tu parles et te font dire un mot croche, c'est eux autres qu'on est, moi. Pour dire un mot, c'est pas celui-là que tu voulais dire, c'est un autre, c'est celui-là que tu voulais dire. C'est ta On réalise pas jusqu'à quel point on est avec elle. On sait plus, on est avec toi. Fait que ça devient une, pour nous autres une souffrance. C'est comme si il y a eu un film dernièrement. Je connais les films, j'ai des films, j'ai pas mal de films ésotériques. Il y avait une petite fille. La petite fille avait des relations avec des forces. Elle est rentrée à l'hôpital psychiatrique, il y avait un enfant qui avait bien arrêté le children. Puis elle dit, elle venait d'entrer, puis elle dit à la petite fille, non, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais? Puis elle, ça n'a pas l'autre qui était autistique. Mais du coup, la gamme malade, elle rentre, elle voit une petite fille parler. La gamme malade, elle est surprise. La connexion, c'est là. Le coup de bain. Tu veux la voir? Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Les thérapeutes dans ce domaine-là, ils sont plusieurs. Bien, ils font des efforts. Ils essaient de comprendre. Quand tu penses, tu essaies de te comprendre avec ta pensée. Moi, je ne peux pas parler. Il y a des gens qui viennent me voir des fêtes, des gens, j'ai un bobo ici, j'ai un bobo là. J'ai dit, si tu veux que je fasse ton bobo, garde-les ton bobo. Alors, ils vont m'en aller. Je devrais aller voir le docteur. J'ai dit, pourquoi? Il faut voir le docteur. Explore les avenues physiques. Il y en a des médecins. Bon, médecin. La médecine a quand même fait quelque chose. Mais ils ont l'illusion, comprends-tu, que. Ils ont l'illusion que tout s'arrange. C'est vrai que tout s'arrange, mais dans des conditions que dans des conditions dont eux ne sont pas aptes à vivre. Tout s'arrange. Tout est énergie, ça fait tout s'arrange. Même le cancer, ça s'arrange. Il faut que les vibrations soient changées. Quand tu penses là, qu'ils vont être voir, là, puis il y a une bosse, tu vas y faire partir la bosse. Ça marche pas de mal. Tu y fais partie de la bosse parce que t'as d'autres choses à faire. C'est pas la bosse qui intéresse avec un support, la bosse, puis d'autres choses. Va voir ton médecin. Bon, c'est pas naturel. C'est aussi des médecins qui travaillent dans l'inconscient. Ils t'attendent toujours avec le scalpel d'une main. Il y a des médecins très raisonnables. La science médicale est limitée, il y a des limites, mais ils font des travaux, ils font de la recherche. Ça fabrique notre condition de vie, puis on est obligé de la vivre, c'est pas un cadeau. Moi-même, j'ai pas la liberté de changer les vibrations du corps physique d'une personne, excepté dans des cas très particuliers. C'est toujours en relation parce que ça fait partie de quelque chose pour que je fasse. Sans ça, je passerais mon temps à guérir le monde. Gisèle a eu des mal de tête pendant des années de temps, puis des années de temps. C'est qu'à la dernière minute que j'ai fait quelque chose, c'est la dernière minute, quand elle a fait à se pédaler à la tête contre lui. C'est là qu'elle vive, il y a un travail. Puis encore, j'ai dit, ils vont te le descendre ici, comme de fait. Ils ont descendu d'un coup son mal de tête. Puis un d'après qu'ils ont fait partie. Faut là qu'elle ait bien confiance dans eux autres, parce que ce que je faisais prendre comme fonction, c'est un cadeau. Il trouvait un poison à l'autre. Donc, c'était un test pour elle. Comme, c'était pas un test pour moi, parce que je pense pas, mais pour elle, c'était un test. On n'est pas. Ils nous font pas talent. Ça veut dire que la coche thérapeutique, autant en est-il dans n'importe quoi, que ce soit pour la paralysie cérébrale, n'importe quoi, le thérapeute devrait dire au patient, ben, branche-toi, ça fait partie de. Oui, mais ça, c'est trop occulte. C'est trop occulte. Tu ne peux pas demander à l'homme de fonctionner à l'intérieur d'un corps de conscience sur l'autre. L'homme de demain pourra guérir par l'apparence. Mais l'homme aujourd'hui pourra rentrer à ce point-là. L'inconscience est bien trop grande. Les gens sont malades parce qu'ils sont malades en esprit. Et ensuite, ça finit encore fait. Il y a des lois d'énergie. Tout ça soit respecté, ces lois d'énergie. Comme le témoin de Jéhovah aux États-Unis, qui ne voulait pas envoyer son petit à l'hôpital se faire donner une transfusion de sang. Parce que il s'est fait dire dans son esprit que de ne pas faire ça. Petit gars est mort. Puis lui, aujourd'hui, il fait de la prison. Négligence criminelle. Dans la religion. C'est dans la religion. Alors, tout va appartenir à la bonne religion. Quand tu te fais dire par un égo, c'est un autre plan. Tu vas prendre un jeu. Ça revient tout à la même patente. Les religions, ça ne fait pas partie du supramental. Ben, c'est pas Christ qui a formé une religion. Hein? Ceux qui sont venus après lui. Je comprends. Ce que tu dis, ça fait partie de ton évolution. Ça fait partie de ton expérience, exactement. Exactement. C'est ça, exactement. Exactement. Exactement. Il me disait bien comprendre, c'est bien ça. Ça fait partie de votre expérience. Deuxièmement, ça, on parle, c'est comme ça les lois d'énergie. C'est quoi les lois d'énergie? Les lois d'énergie, ce sont des lois qui font que l'individu a droit à une certaine libération du mal selon les lois de son propre cœur. Si tu n'as pas de karma, c'est évident que ce que j'ai tes vibrations. Mais si tu as du karma, il faut que tu vives tes vibrations. C'est ça le karma. Tu as manqué de patience dans un temps quelconque et tu vas souffrir. Comme l'arthrite, les gens qui ont de l'arthrite, c'est parce qu'ils ont des têtes de cochon que tu portes. L'arthrite, c'est lié à la tête de cochon, le phénomène de la tête de cochon. Quand tu as de l'arthrite, tu vas donner une autre vie dans une site, c'est lié à la tête de cochon, le phénomène de la tête de cochon. Ça crée de l'arthrite. Toutes les maladies ont des correspondances psychiques sur le plan mental. C'est de garder les gens qui ont de l'arthrite, ils ont toutes des têtes de cochon à un très haut niveau. C'est des orgueilleux, des enfantés, des maudits à la bras. Regardez-moi, en connaissant, il y a un truc qui connaissait ça. Je vois, la grosse actrice. La tête, c'est lié. La maladie, ça commence ici, puis ça descend, puis ça descend, puis ça descend, puis ça descend, puis ça descend. Cancer, ça a toutes les maladies. Quand tu es conscient, tu ne peux pas être malade. Il y a des tuiles, là. Il y a des tuiles, là. Pas un peu. Parce que c'est fatigué. La maladie, ça serait être contre l'énergie. Quoi? La maladie, ça serait être contre l'énergie. La maladie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui comble. Un débalance. C'est un débalance par l'énergie. Ben moi, je peux commencer à dire au monde que les gens qu'on a tous, c'est parce qu'ils ont des têtes de cochon. On va faire le message. Tu te fais pas aimer. Hein? C'est tout. C'est tout. C'est tout. Tu restes pas vrai quoi attendre. Je pas envie de briser. T'as rien à voir, c'est pas vrai. Sans descendre, tu vas l'entendre. Ouais. C'est ça que tu veux. Le doute, c'est l'ajustement du commandant intérieur au commandant supérieur. Éventuellement, il t'a ajusté. Parce que là, le passage, tu doutes, c'est une grande expérience en vie. Quand tu doutes plus, Charlie, t'es bien en maudit. Quand t'es sûr d'être sûr, t'es bien. Parce que tu fonctionnes créativement. Aussitôt que tu ouvres d'ailleurs, tu dis que tu fonctionnes tout le temps. Ou tu poses une action, tu poses quelque chose. Quand tu doutes pas. C'est fantastique, pas douter. C'est fantastique. Pas douter, c'est comme un cigare. C'est fantastique, pas douter. T'es bien quand tu doutes pas. Parce que aussitôt que tu sais quelque chose, c'est ça, c'est final. Tu perds jamais d'énergie quand tu doutes pas. Fait que tu peux en donner de l'énergie. Moi, j'en donne l'énergie parce que j'en perds pas. Je doute pas. Fatiguant, tu sais. Fatiguant. Quand t'es content, tu sais, ça va bien. C'est ça que je t'ai dit, mais c'est ça. En attendant, par avoir de doute, ça vient. C'est normal. Je fais plus lutter. Moi, j'ai goûté où, là? Stéphane? Comment tu t'appelles? Yop? C'est la première fois qu'on se rencontre? Ouais. Je trouve ça intéressant? Tu comprends ça un petit peu? De tout? Un exemple. Donne-moi un exemple de ton doute. Ouais. Dans le sens où ça a du bon sens, où c'est possible, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. T'es-tu grand? T'es-tu un grand bonhomme? C'est pas ça? Moi, Si je te disais que t'es un grand bonhomme, tu me ferais là-dessus? Un côté oui, mais pas ça. Quand je prendrais que le côté oui. Moi, je pense que c'est un grand malin. Quand tu comprendras que tu es un grand malin, tu n'auras pas de doute que tu es un grand malin, tu seras un grand malin. Vas-y. Si tu penses que tu es un petit malin, tu seras un petit malin. Vas-y. Regarde. Regarde ta lettre. Assez, c'est mieux duré à ça. Doute pas. Doute, voilà. C'est quoi, je t'ai dit que tu es un grand malade? Hein? Non, mais sais-tu pourquoi je t'ai dit que tu es un grand malade? Je le sais. Pourquoi je le sais? Non. Ben, je doute pas. Maintenant dans ta tête, c'est un grand bonhomme. Dis-moi la réponse dans ta tête. C'est cette réponse. Oui. Maintenant dans ta tête, si Si moi, j'étais un grand bonhomme. On est deux grands bonhommes. Toute fois, il est un grand bonhomme. Tu sais qui dit dans ta tête qu'il est un grand bonhomme? D'où ça vient, ça? C'est qui d'où ça vient? Hein? Non? Mandez-le, quoi? Les cathédrales. Hein? Les cathédrales. Ah, ben, je suis là, je suis tombé.